Le groupe de recherche musicale de la radiodiffusion télévision française vous présente aujourd'hui la musique scientifique. Bonjour Pierre Schaeffer. Bonjour mademoiselle. Je viens vous avertir que Cécile Barat ne peut pas venir aujourd'hui. Tiens, elle serait malade ? Oui, un peu de fièvre, et je dois dire que vous l'avez fait assister à des expériences sur le piano dont elle s'est mal remise. Oh la pauvre. Oui, elle m'en a fait cependant un récit extraordinaire. Votre entretien s'est conclu, paraît-il, sur les décombres du solfège. Oh, le décombre, c'est beaucoup dire. Quand on pense qu'une note de piano n'a ni hauteur, ni timbre, ni de ré... Bon, elle exagère un peu. Les notes de piano ont une hauteur relative et non pas, comme on le croyait, une hauteur absolue. Elles ont chacune un timbre, mais ces timbres forment une famille. Quant à leur durée, l'important est de distinguer le temps arithmétique qui se compte en blanche, noire et croche, et la durée musicale qui dépend de la forme dynamique du son, bien entendu, qui est plus brève dans l'aigu que dans le grave. En somme, en musique, c'est comme en physique, c'est la relativité généralisée. Eh bien, l'acquisition importante, en effet, est de ne plus croire que la note de musique est convenablement décrite en termes de solfège, selon des normes abstraites de hauteur, timbre et durée, mais de savoir qu'une note de musique est un objet, c'est-à-dire un être complexe doué de quantités de propriétés très caractéristiques et qu'on ne connaît bien que comparativement les unes aux autres, en les classant comme les objets d'une série. Il y a la série des notes de piano, il y a la série des notes du violon, condition bien entendu de distinguer les pizzes des notes à vide ou des vibratos. Vous êtes sériel ? Qu'est-ce que vous voulez dire au juste par sériel ? Enfin, monsieur Schaeffer, les 12 sons, Schoenberg, Leibowitz, Webern, Boulez, Golia, vous êtes au courant ? Bon, comme ça, vous savez. Les 12 sons sont pris sans omission ni répétition. Ouais. Puis il y a la série rétrograde, ouais. Puis la série inverse, puis la rétrograde de l'inverse. Mmh. C'est mathématique. Mais là, il s'agirait d'une série de hauteurs, dans ce que vous dites, en supposant que ces hauteurs existent en soi, indépendamment de tout moyen d'exécution. Et comme je crois avoir démontré qu'il n'y a pas de hauteur en soi, mais seulement les objets sonores particuliers, ces séries-là, pour moi, n'ont pas beaucoup de sens. Mais vous avez cependant parlé de séries. Pour moi, séries ne s'appliquent pas aux caractères abstraits du son, que je n'ai jamais rencontré dans la nature, et qu'aucun instrumentiste n'essaie d'ailleurs fabriquer. Séries, pour moi, s'appliquent à des objets réels, qu'on peut fabriquer ou entendre, et qu'on classe tout bêtement parce qu'ils sont plus gros ou plus petits, plus épais ou plus minces, plus clairs ou plus sombres. Ce sont des séries qualitatives, beaucoup plus que quantitatives. De l'à peu près, quoi. Vous savez, l'à peu près en art. Comment l'entendez-vous ? Je croyais que vous défendiez une musique scientifique. Scientifique, certes pas. Expérimentale, ne confondons pas. Mais vos appareils, vos filtres, vos batigrammes... sont là pour renseigner sur l'acoustique des sons. Mais ils ne nous diront jamais rien de musical. Je croyais que la musique électronique... Vous dites électronique ? Eh bien oui, musique concrète, électronique, scientifique, expérimentale. On s'embrouille à la fin. Comment voulez-vous que s'y retrouve le grand public ? Eh bien, faisons un peu de clarté. Voyons, admettez-vous qu'on puisse étudier, d'une part, les moyens de créer des sons, qu'on puisse, d'autre part, se poser des questions de méthode concernant le progrès musical, et qu'enfin, on se pose des questions esthétiques. Mais qu'appelez-vous méthode en musique ? J'appelle méthode ce qui ne concerne ni l'esthétique des œuvres, ni la lutherie des instruments, mais l'étude du phénomène musical, une phénoménologie. Ah, vous êtes existentialiste. Voici comment je m'explique la chose. Les sériels dont vous me parliez tout à l'heure, épris de combinaisons chiffrées, notamment de durée et de hauteur, se sont bien aperçus que les instruments traditionnels ne convenaient pas à une aussi grande rigueur. D'où le recours à l'électronique. Les instinctifs, au contraire, du moins ceux qui font confiance à l'expérience musicale plutôt qu'au système préconçu, prennent volontiers la voie inverse, puisque les sons sont naturellement très compliqués en théorie, mais très aisés à entendre. Laissons là les complications théoriques et fions-nous à nos oreilles. Comme dit le photographe de la Tour Eiffel, puisque ces événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. C'est un de vos amis. C'est un personnage de Cocteau, voyons. Je vois que vous n'êtes pas au courant. Pas très, non. Eh bien, revenons à nos moutons, je suis curieux de savoir où votre instinct vous porte. Est-ce vers une musique expérimentale où les instruments ne sont là que pour apporter des matériaux à l'audition, l'oreille étant le dernier recours, ou vers une méthode scientifique où les appareils créent et calculent le son selon une volonté préexistante et dont l'oreille, finalement, n'a plus qu'à assumer le résultat. C'est une conception nietzschéenne de la musique. Oh, nietzschéenne, ne compliquons pas, c'est une conception, voilà tout. En honneur, il est vrai, en Allemagne, et ma foi, dont quelques-uns des jeunes compositeurs français épouseraient volontiers la thèse. Eh bien, si vous m'emmeniez un peu de ce côté-là, cela nous changerait de vos pianos et de vos tôles. Curieuse génération, pour leur être agréable, il faut leur proposer une excursion dans le trièdre de référence. C'est ça, allons-y. Dans le quoi déjà ? Dans le trièdre de référence, mademoiselle. Commençons par ceci, voulez-vous ? C'est un son électronique. Garantie pure, homogène, permanent et sans bavure. Au moins celui-là, on le tient bien. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Exactement ce qu'on veut, c'est là son avantage. Vous allez, par exemple, le faire évoluer dans le plan mélodique et dans le plan dynamique. Il décrira ainsi une ligne gauche dans le trièdre de référence. Il peut, par exemple, baisser en tessiture et monter en intensité. Eh bien, nous allons le faire baisser en tessiture et monter en intensité, si tel est votre désir. Indéfiniment ? Ce serait fatigant. 3, 4, 5 secondes, si vous voulez. 6, voulez-vous ? Eh bien, va pour 6. Ce son passera d'un certain nombre de périodes par seconde à un certain nombre de périodes par seconde, c'est-à-dire baissera, et d'un certain niveau faible à un certain niveau fort. Au moins, on sait ce qu'on fait. Appelons ce son le son rouge pour ne pas nous embrouiller. Nous allons maintenant fabriquer un deuxième son, si vous voulez, que nous allons appeler le son jaune. Voulez-vous le guider dans le trièdre ? Eh bien, je veux qu'il fasse le contraire. Qu'il commence fort et qu'il finisse faible. Qu'il commence grave et qu'il finisse aigu. Entendu, le son jaune va passer du grave à l'aigu d'une part, et d'autre part, commencera fort et finira faible. Et puis, j'en voudrais un qui ne bouge pas du tout de hauteur et qui fasse des festons dans le plan dynamique. Qu'appelez-vous festons ? Bien, je voudrais qu'il fasse d'abord un grand rond. Un grand rond, c'est-à-dire qu'il commence faible, qu'il soit maximum vers le milieu des temps, vers 3 secondes, et faible à la fin. Et puis des festons autour. C'est-à-dire un vibrato dynamique. Et bien voilà. Ah, c'est très amusant. Un véritable ouvrage de dame. Dites-moi, ce serait possible de les entendre tous les trois à la fois ? Tout ce qui est possible. La musique électronique ne s'interdit pas les magnétophones, ni le travail sur la bande magnétique. Voici les trois à la fois. C'est très joli. Ce n'est pas mal. Quand on les a fabriqués, on comprend mieux le trajet des sons dans l'espace. Seulement, j'avoue... Vous avouez quoi ? Dès qu'il y a trois sons ensemble, je suis perdue. La gestalt. C'est un terme électronique ? Pas tellement. On pourrait les arrêter un peu ? Qu'entendez-vous par arrêter les sons ? Seul Josué s'est arrêté, le soleil et le temps. Mais à chaque instant, puisque ces sons sont calculés, on doit pouvoir analyser leur ensemble, peut-être même le reproduire en fixe. Vous voulez dire opérer des coupes dans le trièdre de référence selon l'axe des temps. Je voudrais couper à l'instant où les sons se croisent. Permettez aux musiciens concrets de vous répondre. Il n'y a pas d'instant où les sons se croisent. Toute votre perception est envahie par le phénomène dominant du son rouge qui monte et du son jaune qui baisse. Il n'y a pas un instant, mais une durée dans un tel phénomène. Et les coupes, pour être intéressantes, doivent encadrer ce point théorique. Nous allons d'abord en faire une, si vous voulez bien, avant ce croisement. La voici. Et puis maintenant, une seconde coupe après ce croisement. La voilà. C'est très curieux. Je suis perdue et je ne m'y retrouve plus du tout dans mes sons rouges et jaunes. J'ai bien compris que vous aviez bloqué tous ces sons-là, où ils en étaient, à la deuxième ou à la quatrième seconde, mais c'est comme un nouveau phénomène sans rapport avec le précédent. Mais oui, c'est un nouveau phénomène. Vous aviez tout à l'heure trois sons en évolution, qui se baladaient, si j'ose dire, dans le trièdre de référence, et puis maintenant vous avez ces deux coupes, qui vous donnent des sons complexes, mais fixes. Comme des accords. Comme des accords, si vous voulez. Mais il est plus exact de parler de spectre ou de composition harmonique. C'est ça, le plan harmonique ? Oui, le plan de coupe. Tout comme le profil d'une route du Tour de France, si j'ose dire, où l'on voit des pentes, des cols et des sommets, trace le profil harmonique, c'est-à-dire les différences d'intensité des composantes du son en fonction des hauteurs. Cela est très intéressant. C'est très intéressant, mais à quoi ça sert ? Composer de la musique. Ça sert à fabriquer des sons de composition donnée, un point c'est tout. Mais Stockhausen ne fait-il pas de la musique ainsi ? Admirablement calculé. Stockhausen, au studio de Cologne, calcule en effet certaines de ses études avec la plus rigoureuse précision. Non seulement il crée des sons dont la composition harmonique répond à une intention précise, comme nous venons de faire pour ce que vous appeliez des accords, mais il leur assigne une évolution dans le temps par segment de fraction de seconde. Puis, enfin, il calcule même les profils dynamiques, un peu comme les festons que vous vouliez dessiner tout à l'heure. Je simplifie, bien entendu. Et ça donne quoi? J'aimerais beaucoup vous faire entendre l'une des études de Stockhausen, mais leur diffusion est malheureusement interdite par les règlements d'auteur, et tout au plus, puis-je vous donner les quelques secondes que le conférencier a le droit de citer. Cela ne vous convainc pas? Je suis convaincu du talent de Stockhausen dont nous avons maints exemples, mais pas forcément de sa méthode. Et vous n'aimez pas? Le mot aimer est équivoque. Si l'on veut être sérieux en art, il faut savoir ce qu'aimer veut dire. On peut aimer la personnalité d'un musicien et son style, sans aimer les matériaux qu'il emploie, sans adopter sa méthode. Nous retrouvons vos distinctions précédentes. Eh oui, matériaux d'une part, c'est la question des moyens. Méthode ensuite, c'est la question des voies d'accès, de l'approche. Et style, en définitive, au niveau de l'œuvre, ce qui implique un jugement esthétique. L'important est de savoir si la méthode électronique, qui permet un calcul si exact des sons, fournit une garantie aux intentions musicales. Je me suis posé la question très longuement et très sincèrement, et j'ai fait le raisonnement suivant. Si le trièdre de référence, c'est-à-dire si les trois paramètres temps, hauteur, intensité du son, peuvent servir à construire de la musique, un peu comme une épure, ces trois paramètres doivent correspondre à des perceptions musicales sans équivoque et d'une égale précision, êtes-vous d'accord? D'accord, sans quoi l'épure est une chose et ce que perçoit l'oreille en est une autre. Ou bien s'il y a une telle distance entre les intentions et le résultat, il faut être moins prétentieux et ne pas dire qu'on fait de la musique scientifique. Il s'agit d'un empirisme comme un autre, un peu plus calculé. Calculs étranges, puisque les résultats musicaux sont si éloignés des prévisions. Tous ces calculs reposent sur une hypothèse dont il faut démontrer la valeur, à savoir que pour l'oreille musicale, des fractions de temps, les différences de hauteur ou d'intensité dans les sons ont véritablement un sens musical. N'est-ce pas le cas? Non. Si nous prenons ces trois paramètres les uns après les autres, temps, intensité et hauteur, nous allons voir que le temps n'est pas arithmétique, on ne peut pas le décomposer, que les intensités ne sont même pas mesurables et que pour la hauteur, seuls les sons très simples permettent un repérage. De nouveau, la relativité généralisée. Ou plus exactement, une notion de qualité et non de quantité. Émettons qu'en musique, tout soit qualitatif, ce qui déjoue tout calcul. Mais les hauteurs, par exemple, on les reconnaît toujours, sauf dans les bruits, bien entendu. Mais en général, les gens pensent qu'un son est musical, en effet, quand ils ont entendu une hauteur. C'est une définition primaire, c'est une définition de fait. Mais ceci, par exemple, mademoiselle, ceci est-il, oui ou non, un son qu'on peut qualifier de musical? Est-ce un son agréable à l'oreille? Pour une fois, oui. Et celui-ci? J'aime énormément. Et celui-là? Est-ce musical? C'est riche, plein d'harmoniques. Et celui-là? Alors, mademoiselle, pouvez-vous les solfier, ces sons, qui ne sont ni des sons purs, ni des bruits, mais auxquels vous voulez bien reconnaître le caractère musical? Très embarrassant. Je vous mets à l'aise. Nous avons essayé et nous n'y arrivons pas. Vous avez essayé comment? Vous savez ce que c'est que réduire une partition? C'est essayer de réduire une composition à l'essentiel et de faire tenir 40 instruments dans les deux portées du piano. Très bien dit. Nous avons essayé de le faire avec quelques-uns des sons précédents et voici ce que ça donne. Aucun rapport. Autre essai. Également infructueux. Vous n'avez pas essayé avec un instrument voisin, un violon par exemple? Si. Encore plus éloigné de l'original. Peut-être pas, mais ça n'a pas la prétention d'être une réduction. Ceci, c'est peut-être un des éléments. C'est le même phénomène qu'avec le trièdre de tout à l'heure. L'oreille a beaucoup de mal à reconnaître séparément les éléments d'une synthèse. C'est toujours la gestalt, mademoiselle. C'est la gestalt qu'on étudie en philo? Exactement. Vous êtes au courant? Oui, quand je vois une orange tout entière, avec sa forme ronde, le grain de sa peau, la nuance de sa couleur, et je vois tout d'abord. et j'analyse après par un effort d'attention consciente. Vous parlez comme un livre. Non, pas comme un livre. La Gestalt m'a simplement beaucoup intéressée et j'avais compris. Je souhaiterais que les musiciens expérimentaux en fassent autant et comprennent aussi bien. Quoi, par exemple? Vous savez qu'ils adorent le décibel. Qu'est-ce que c'est que le décibel? C'est une unité qui mesure l'intensité du son. Par exemple, la pression acoustique qui s'exerce sur votre tympan. Les sons qui exercent la même pression sont entendus avec la même intensité. Jugez-en par vous-même sur cette série de sons d'égale intensité acoustique. Je ne dirais pas que les sons que vous venez de me faire entendre exercent au niveau du tympan la même pression acoustique. Si, mademoiselle. Et soyons, si vous voulez, plus rigoureuse encore, je vais vous faire entendre les mêmes sons, mais un peu corrigés pour tenir compte du fait que l'oreille entend moins bien les sons graves ou les sons très aigus. De telles courbes qui tiennent compte de la physiologie de l'oreille ont été établies par un monsieur qui s'appelle Fletcher. Je commence à comprendre. Comparer des sons, c'est comme si l'on me demandait de comparer des pommes avec des oranges ou des cerises. Eh bien, rappelez-vous, mademoiselle, que dès le certificat d'études, on vous a interdit d'additionner des carottes et des navets. Et c'est pourtant ce que font ingénument nombre de jeunes compositeurs épris de musique scientifique. Mais sur le temps arithmétique et la durée bergsonienne, vous devez être très galé. Ah, comme vous dites bien, stable, c'est une remarque plaisante. J'ai réservé en effet les expériences concernant le temps pour la fin. Vous allez écouter ces quelques sons et vous allez essayer de les décomposer en deux parties. Chacun de ces sons comporte un événement initial, puis une fin, en général sans histoire. Alors vous allez vous efforcer de me dire combien de temps dure l'événement initial par rapport au temps que dure la chute. Je ne vous demande pas cela en secondes, bien entendu, mais en proportion, par exemple, un tiers, moitié, trois quarts. Simplement, ce qui est important, ce qui dure le plus, soit l'événement initial, soit la chute. C'est évidemment l'événement initial qui dure le plus. Absolument pas. Il ne dure que le dixième de la durée totale. Ce n'est pas possible. Puis-je les réécouter? Vous dites bien que l'attaque de ces sons ne dure que le dixième de leur durée. Regardez ces graphiques, mademoiselle, ils sont irréfutables. Faites-moi entendre d'autres, s'il très vous plaît. Très volontiers. Même phénomène, l'attaque de ces sons ne dure qu'une partie infime du temps arithmétique, tandis qu'il occupe dans votre perception musicale une durée très importante. Encore une expérience. Cette fois-ci, vous devez vous tromper. Le son est soutenu et dure presque toute la durée avant la résonance. Il dure en effet plus longtemps que les précédents, mais exactement moitié-moitié. Et ce qui démontre que deux temps égaux pour votre chronomètre ne sont pas deux durées égales pour votre oreille musicale. Ce qui compte, c'est l'objet. D'où la théorie des objets musicaux. Et à laquelle nous consacrerons, mademoiselle, si vous voulez bien revenir dans 8 jours, notre prochain entretien. Le groupe de recherche musicale de la radiodiffusion télévision française vous a présenté la musique scientifique. La semaine prochaine, à la même heure, expérience numéro 5, l'objet musical.